Ésaïe chapitre 42. Voici mon serviteur, je le maintiendrai, c'est mon élu, auquel mon âme prend son bon plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il mettra en avant le jugement aux nations. Il ne criera point, et il ne haussera, ni ne fera ouïr sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et n'éteindra point le lumignon fumant, il mettra en avant le jugement en vérité. Il ne se retirera point, ni ne se hâtera point, qu'il n'ait mis un règlement en la terre, et les îles s'attendront à sa loi. Ainsi a dit le Dieu fort, l'Éternel, qui a créé les cieux, et les a étendus, qui a aplani la terre avec ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et l'esprit à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je prendrai ta main, et te garderai, et je te ferai être l'alliance du peuple, et la lumière des nations. Afin d'ouvrir les yeux qu'ils ne voient point, et de retirer les prisonniers hors du lieu où on les tient enfermés, et ceux qui habitent dans les ténèbres, hors de la prison. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Voici, les choses qui ont été prédites auparavant, sont arrivées, et je vous en annonce de nouvelles, et je vous les ferai entendre avant qu'elles soient arrivées. Chantez à l'Éternel un nouveau cantique, et que sa louange éclate du bout de la terre, que ceux qui descendent dans la mer, et tout ce qui est en elle, que les îles, et leurs habitants. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages où habitent Kédar, et ceux qui habitent dans les rochers, éclatent en chants de triomphe, qu'ils s'écrient du sommet des montagnes. Qu'on donne gloire à l'Éternel, et qu'on publie sa louange dans les îles. L'Éternel sortira comme un homme vaillant, il réveillera sa jalousie comme un homme de guerre, il jettera des cris de joie, il jettera, dis-je, de grands cris, et se fortifiera contre ses ennemis. Je me suis tué dès longtemps, me tiendrai-je en repos? Me retiendrai-je? Je crierai comme celle qui enfante, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je réduirai les montagnes et les coteaux en désert, et je dessécherai toute leur herbe, je réduirai les fleuves en îles, et je ferai tarir les étangs. Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent point, je les ferai marcher par des sentiers qu'ils ne connaissent point, je réduirai devant eux les ténèbres en lumière, et les choses tortues en choses droites, je leur ferai de telles choses, et je ne les abandonnerai point. Que ceux-là donc se retirent en arrière, et soient tout honteux, qui se confient aux images taillées, et qui disent aux images de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, et vous, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et qui est sourd comme mon messager que j'ai envoyé? Qui est aveugle comme celui que j'ai comblé de grâce? Qui, dis-je, est aveugle, comme le serviteur de l'Éternel? Vous voyez beaucoup de choses, mais vous ne prenez garde à rien, vous avez les oreilles ouvertes, mais vous n'entendez rien. L'Éternel prenait plaisir en lui à cause de sa justice, il magnifiait sa loi, et le rendait honorable. Mais c'est ici un peuple pillé et fourragé, ils seront tous enlacés dans les cavernes, et seront cachés dans les prisons, ils seront en pillage, et il n'y aura personne qui les délivre, ils seront fourragés, et il n'y aura personne qui dise, restituez. Qui est celui d'entre vous qui prêtera l'oreille à ceci, qui y sera attentif, et qui l'entendra dorénavant? Qui est-ce qui a livré Jacob au pillage, et Israël au fourrageur? N'est-ce pas l'Éternel, contre lequel nous avons péché? Parce qu'on n'a point agréé de marcher dans ses voies, et qu'on n'a point écouté sa loi. C'est pourquoi il a répandu sur lui la fureur de sa colère, et une forte guerre, et il l'a embrasé tout alentour, mais Israël ne l'a point connu. Et tu l'as brûlé, mais il ne s'en est point soucié.